T'as besoin de force, maintenant tu m'appelles. J'ai pas trop le temps, là j'enchaîne un showcase. À qui la faute si la vie se disperse? Tu veux trop la lumière, tiens-toi prête, ça va brûler. De tout là-haut, j'ai vu le vice. T'avais plus d'intérêt que chez le banquier. Mais faut que tu doses, ma chérie, tu fais trop de phases. Reste gentil, je veux pas t'afficher. Oh eh oh, la soirée s'annonce full. T'es pas invité, du coup t'as le seum. Ouais, la soirée s'annonce full. Bébé, bébé, je danse mais je garde un œil sur toi tout là-haut. Oh oh oh, tu cherches à savoir où je suis mais je suis tout là-haut. Oh oh oh, tout là-haut. Tu sais déjà que je suis une go de qualité. Rien que t'essayes de me salir, de piétiner. Mais tout est faux, tout est faux. Oh la job, c'est mon blaze qui est sur la job. Tu galères, faut que je te trouve un job. J'ai pas le temps, allez, oh la hop, oh la hop. La soirée s'annonce full. T'es pas invité, du coup t'as le seum. La soirée s'annonce full. Bébé, bébé, je danse mais je garde un œil sur toi tout là-haut. Oh oh oh, tu cherches à savoir où je suis mais je suis tout là-haut. Oh oh, tout là-haut. Toi tout là-haut, oh oh oh. Tu cherches à savoir où je suis mais je suis tout là-haut. Oh oh.